Jérôme Dinet et Marie Villière qui vont présenter une communication qui se situe davantage dans le champ de la psychologie. Hein, on était en sciences de l'éducation, on passe en psychologie, mais on reste évidemment sur notre thématique, avec une communication qui porte sur l'impact des variables individuelles sur le harcèlement, sur le cyberharcèlement à l'école, et qui pose la question du profil des victimes. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc, nous allons faire cette présentation en binôme. Je me suis permis d'inverser l'ordre des noms des présentateurs. Donc, j'ai mis Pauline en premier, première, parce que c'est surtout Pauline qui a fait le plus gros du travail. Moi, je me suis contenté juste d'encadrer, de diriger, donc c'est très confortable. Je vais juste commencer à poser quelques éléments de réflexion, mais avant tout aussi remercier les organisateurs pour la tenue de cette journée, puis remercier aussi le public. Vous êtes venus nombreux pour justement débattre et réfléchir à cette problématique-là. C'est vraiment très enrichissant et je pense qu'on essaie d'apporter des réponses, mais on pose aussi beaucoup de questions. Et donc les échanges vont être très constructifs, j'en suis persuadé. Alors juste aussi, pour introduire en préambule mon propos, juste une petite remarque. Dans le domaine scientifique, c'est très compliqué de répondre à ce genre de questions pour deux raisons. D'une part, le cyber est extrêmement récent. C'est-à-dire que voilà, ça fait 30 ans que le web existe et compagnie, donc on manque cruellement de recul sur les pratiques et les usages qui sont faits avec ces outils-là. Donc quand on compare avec d'autres outils tels que la télévision, le téléphone ou d'autres outils technologiques, l'imprimerie ou le train, etc., il a fallu des décennies pour que ça rentre dans les foyers domestiques et pour que les usages puissent avoir un impact. Donc là, on fait des études scientifiques sur des choses sur lesquelles on a un recul de 30 ans maximum, ce qui est ridicule dans ce champ-là. Deuxième difficulté, ça tient au public, puisque aujourd'hui, on se focalise spécifiquement sur les adolescents. Comme ça a été répété très souvent, l'adolescence est une période très compliquée, avec beaucoup de changements physiologiques, biologiques, psychologiques, psychosociaux. Donc tout ça fait que ces études-là se font, mais on est vraiment, encore j'ai envie de dire, à la préhistoire de ces études-là. Voilà. Donc c'est un petit peu en préambule. Alors, avant de passer la parole à Pauline, qui va nous détailler le protocole et puis son étude, rebondir sur quelques éléments de réflexion qui ont été déjà abordés ce matin. J'ai trouvé un très bon article, il n'y a pas très très longtemps, donc un article récent, parce qu'il est... Il est publié, il est marqué 2018, sur Facebook, sera publié en janvier 2018. Ce sont des auteurs qui se sont intéressés en disant, bon, le cyberharcèlement, très bien, tout le monde en parle, mais après tout, est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce qu'on est bien d'accord? Comment on fait pour l'étudier? Ça a été relevé plusieurs fois. Enfin, donc, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes, là, plutôt théoriques, conceptuels et méthodologiques? Alors, il relève plusieurs problèmes, notamment la délimitation conceptuelle. En gros, ces auteurs-là remarquent dans toutes les études qui parlent de cyberharcèlement, ou même de harcèlement, mais de cyberharcèlement, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Par exemple, des fois, on parle de violence. Violence à l'école, violence scolaire, une séance d'humiliation, un acte d'agression physique, verbale. Mais le harcèlement, dans la réglementation, est défini aussi par la forme répétitive. Et là, sur la répétition, des fois, on voit que dans les études, on n'est pas tout à fait d'accord sur combien de temps ça doit être répété, sur quelle longueur de temps. Là, on n'est pas d'accord, les auteurs ne sont pas d'accord. Donc, du coup, peut-être qu'on n'étudie pas tout à fait la même chose. Ou qu'on ne parle pas de toute la même chose. Deuxième gros problème, alors là j'étais moi-même très surpris sur la prévalence du cyberharcèlement. C'est-à-dire qu'ils se sont amusés, entre guillemets, à faire une méta-analyse. Et bien selon les études, le cyberharcèlement concernerait de 3 à 4% des adolescents. Dans d'autres études, 50%, dans d'autres études, 68%. Donc maintenant on prend ce qui nous arrange. Donc soit on considère que le cyberharcèlement est un vrai problème de société, donc on va être plutôt sur les 68%, il faut faire quelque chose, c'est honteux, scandaleux. Soit on dit mais c'est un épiphénomène, 3-4%. Quand on dit épiphénomène, je ne dis pas que ce n'était pas grave, mais c'est un épiphénomène. Bon. Donc on voit bien que selon les définitions, les publics et les méthodologies, la prévalence du cyberharcèlement, on n'est pas du tout d'accord. En plus, il y a une autre variable qui entre ici, dont je ne parlerai pas dans la suite de la présentation, ce sont les différences interculturelles. Parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont menées sur le cyberharcèlement dans d'autres pays qui sont très à la pointe du cyber, l'Internet, type l'Israël, la Corée du Sud, la Corée du Nord nettement moins, mais enfin, on en parle pour d'autres éléments. Donc il y a d'autres pays, l'Inde aussi apparemment est un pays qui serait actuellement très très très concerné par le cyberharcèlement, voilà, donc il y a des différences culturelles aussi. Troisième gros problème, j'en ai parlé vite fait, ça constate l'hétérogénéité des contextes. Cyberharcèlement, oui, mais à quel niveau, dans quel pays, pour quelle tranche d'âge? En plus on parle de cyberharcèlement à l'école, mais le cyberharcèlement n'est pas l'apanage des élèves. On sait très bien que dans le milieu professionnel ça existe aussi, là aussi ça pose des problèmes, c'est très honteux, auprès de qui je vais me confier. C'est très compliqué. Et puis aussi les périodes considérées, justement, sur les âges. Et alors, plutôt que d'âge. Souvent, on parle d'âge en termes de classe d'âge ou d'âge chronologique. Mais du point de vue psychologique, on considère plutôt que c'est plutôt en termes d'âge de développement. C'est-à-dire que l'âge chronologique, c'est une chose qu'on définit par la loi, par notre rythmicité biologique, mais l'âge psychologique de développement, là, c'est différent. Et puis, l'autre question aussi qu'il pose, c'est la spécificité du cyberharcèlement par rapport aux autres formes de harcèlement. Ça a été soulevé tout à l'heure par nos collègues, parce que vous verrez que être victime de cyberharcèlement, souvent, c'est aussi être victime de harcèlement tout court. Ça peut être des brimades régulières, des séances d'humiliation, etc. Et puis, enfin, alors là, c'est une vraie question qui moi, m'interroge, qui interroge aussi les autres collègues scientifiques, c'est, après tout, est-ce qu'on est capable, au jour d'aujourd'hui, de dire précisément quels sont les impacts, généralement, on pense plutôt négatifs, du cyberharcèlement sur les comportements et les développements et les mécanismes psychologiques des individus? En gros, quels sont les effets directement imputables au cyberharcèlement? Je pose la question parce que c'est très compliqué, parce que quand on est harcelé ou cyberharcelé, souvent, il y a d'autres facteurs confondus. Ça peut être un climat scolaire un peu particulier, ça peut être un soutien parental qui fait un peu défaut. Mais scientifiquement, comment est-ce que je peux quantifier le poids exact du facteur cyberharcèlement dans ce que j'observe après? Ça peut être dépression, tentative de suicide. C'est très compliqué de démêler et d'arriver à pondérer le poids de ces différents facteurs. Bon. Voilà un petit peu pour présenter ce que j'appelle de manière un peu humoristique, les problèmes mineurs. Ils sont quand même fondamentaux parce que là, on se rend compte que tant qu'on ne répondra pas à ces questions-là, on risque de multiplier des études, mais un petit peu pas dans tous les sens, qui sont très intéressantes. Hein, mais à un moment ou à un autre, il va falloir que la société civile va attendre de nous des réponses. Et pour donner des réponses un peu fermes et catégoriques, il va falloir qu'on avance sur ces éléments de définition. Alors, sur le cyberharcèlement, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment sur les personnes qui perpétuent, donc les harceleurs, les cyberharceleurs. Beaucoup de travaux, notamment conduits dans les pays anglo-saxons. Alors là, il y a des modèles différents. Et ce modèle-là, je vous le présente parce que je le trouve intéressant, parce qu'il nous fait un petit peu grincer des dents, ou du moins, il nous interpelle, notamment pour rebondir sur une question qui était posée tout à l'heure dans le public. C'est, enfin, je pense que nous sommes tous responsables. Alors, bien sûr, dit comme ça, c'est politiquement correct. Non, c'est même ne serait-ce que, par exemple, sur les modèles sociaux auxquels nos jeunes sont censés s'identifier. Tout à l'heure, on parlait de télé-réalité, je ne sais plus quelle personne dans le public. Effectivement, les modèles de réussite sociale qu'on donne à voir à nos enfants, ce n'est pas le physicien nucléaire ou même si Thomas Pesquet est revenu. Enfin bon, mais c'est très bien, mais les modèles de réussite sociaux sont essentiellement des footballeurs et des chanteuses. Donc nos enfants veulent devenir footballeurs ou chanteurs parce que c'est ce que notre société leur donne comme étant des modèles de réussite sociale, qui ont des grosses voitures, des grosses villas, etc. Bref, donc tout ça pour dire que le harcèlement, eh bien, en fin de compte, c'est un comportement qui s'apprend. Et on devient harceleur, non pas parce que nous avons des caractéristiques individuelles, nous sommes fondamentalement méchants ou mesquins, ou etc. Pas du tout. En fin de compte, j'aime bien ce modèle parce que ce modèle nous dit, mais en fait, n'importe qui, n'importe quel enfant, n'importe quel adolescent, n'importe quel adulte, peut devenir un harceleur potentiellement. Pourquoi? C'est un modèle d'apprentissage simple, très proche de ce qu'on appelait à l'époque le conditionnement par rétrofeedback positif. C'est-à-dire, sur les réseaux sociaux, mon anonymat est plutôt préservé. Et en plus, quand je harcèle quelqu'un, j'introduis un différentiel de pouvoir. J'ai un pouvoir sur l'autre. Je sais que je lui pourris la vie. Il dort mal, il perd l'appétit, il est sans arrêt en train de se demander d'où ça vient, qui lui a vu de mal et puis qui a transmis cette photo. Donc, rien qu'en quelque sorte, le manipuler mentalement, j'en tire une certaine jouissance, un certain pouvoir. Donc, si j'arrive à avoir cette relation de pouvoir avec une autre personne et en plus que je sais que j'ai peu de chances d'être identifié, alors je vais avoir des attitudes positives à l'égard du cyberharcèlement. Après tout, oui, pourquoi pas. Cette attitude positive peut m'amener à avoir des comportements de cyberharcèlement. Puis je vois qu'il ne se passe rien. Dans le sens, je ne suis pas puni. Ou si on me punit, c'est simplement on me fait les gros yeux. Ou on me dit, oh non, c'est pas bien, on fait rappel à la loi. Enfin, bon, mais finalement, j'en cours pas grand-chose. Et quand j'en cours quelque chose, je continue. Pourquoi j'arrêterai? C'est un apprentissage par conditionnement opérant positif. Donc, tant que cette boucle-là, on ne l'arrête pas, eh bien, il n'y a aucune raison que le harceleur se dise de lui-même, tiens, je vais de moi-même arrêter, même si ça peut s'arrêter. Alors, ce modèle-là, ça concerne les travaux sur la perpétuation du cyberharcèlement. Et puis, dans la foulée, d'autres auteurs sont intéressés à, mais quels sont les facteurs quand même qu'on retrouve? Des facteurs qu'on trouve, des sortes de dénominateurs communs entre tous les cyberharceleurs. Alors, par exemple, on l'a dit tout à l'heure, le genre. Alors, plus que le genre biologique, c'est plutôt l'adhésion au stéréotype du genre. C'est-à-dire les filles sont surreprésentées parmi les victimes, mais aussi parmi les harceleuses. Il y a beaucoup plus de filles qui harcèlent que de garçons. Bon. Donc c'est plutôt là, en termes de stéréotype, enfin, l'adhésion au stéréotype du genre. Le rejet par les pères, là, il y a aussi beaucoup de travaux qui montrent ça. Ça a été évoqué tout à l'heure. Bah, c'est en fait, je suis différent. Il y a plein de raisons d'être différent. Je suis plus gros, je suis plus maigre, je n'ai pas la même couleur de peau, j'ai une orientation sexuelle qui est différente. Enfin, il y a plein de raisons d'être différent. Et donc, si cette différence entraîne un rejet par les pairs, j'ai plus de chances, moi-même, d'être harceleur. La qualité de l'environnement amical et familial. Alors, qualité, c'est toujours très difficile à évaluer, mais en fait, c'est est-ce qu'il y a du soutien parental? Est-ce qu'il y a du soutien amical? Comment on est perçu dans ses propres réseaux, dans ses entourages, dans ses environnements? Et puis, le résultat qui est vraiment... peut-être peut surprendre, mais qui est pourtant réel, c'est que le principe, le facteur, alors c'est compliqué, c'est pas une facteur causal. Le lien le plus fort, c'est entre être victime et être harceleur. C'est-à-dire qu'on constate que les personnes qui sont victimes de harcèlement sont également celles qui ont le plus de probabilité de devenir elles-mêmes harceleuses. Ou inversement, c'est-à-dire qu'une corrélation indique un lien entre deux variables, mais on ne sait pas le lien de la variable. C'est-à-dire que là, j'ai bien fait attention, je n'ai pas dit qu'il y avait un lien de causalité. Je n'ai pas dit si vous êtes victime, vous deviendrez harceleur ou inversement. Simplement, on constate un lien de causalité, un lien pardon, de corrélation entre les, un lien positif très très fort. C'est même le principal lien corrélationnel entre ces deux variables. On ne sait pas trop bien l'expliquer, mais on retrouve une identité de personne entre harceleur ou victime. Ça a été évoqué aussi, l'apparence physique, des choses comme ça. Bref, tout ce qui peut me faire rendre différent. On voit bien que ce qui compte, là aussi, ça, nos collègues nous l'ont bien expliqué, c'est l'interaction avec les pairs. Et tout ça, en fait, c'est quoi qui est fondamental? Ben, l'estime de soi. Et l'estime de soi, surtout là, on parle d'adolescents, donc de jeunes adultes en construction identitaire. Ils se cherchent, ils ont des modèles, ils rejettent leurs modèles parentaux, ils vont vers d'autres modèles, là, peu importe, il y a une dynamique de construction. Ce qui est important, c'est la construction avec l'estime de soi. C'est-à-dire comment je vais pouvoir préserver l'estime de moi. Et on n'aime pas que l'estime de soi soit agressée par d'autres. Donc ça, c'est très, très, très désagréable. Et même quand on est adulte, on ne l'aime toujours pas. Et on sait très bien, quand on est adulte, on sait manipuler ces choses-là. Alors, ces facteurs-là, pourquoi je vous ai présenté? Parce que ce sont des facteurs qu'on retrouve souvent chez les harceleurs. Eh bien, de manière assez remarquable, ce sont des facteurs qu'on retrouve aussi très souvent chez les victimes de cyberharcèlement. Le genre, le rejet par les pairs, l'absence ou une fragilité du soutien social ou amical, l'apparence physique différente. Alors, par exemple, le surpoids, il y a beaucoup de travaux. Parce que j'ai dit que c'est des travaux qui venaient surtout des pays anglo-saxons. Donc vous comprenez pourquoi. L'obésité, la surcharge pondérale, c'est un problème de santé publique très important dans plusieurs pays. Ça devient en France. Et donc, voilà, les enfants et adolescents qui sont aussi en construction identitaire, etc., d'être différents et de ne pas correspondre, je l'ai marqué, de ne pas correspondre à la norme de notre société. D'accord ? Alors des normes, il y en a plein. Il y a des normes d'orientation sexuelle et des normes d'apparence physique. C'est le plus facile parce que c'est ce qui se voit le plus vite. Donc je suis différent de la norme. Je suis très gros, je suis obèse. C'est un facteur propice pour que l'adolescente ou l'adolescent devienne victime de cyberharcèlement. Avec tout ça, bien sûr, une conjonction d'une faible estime de soi. Donc là aussi, c'est compliqué de démêler qu'est-ce qui est vraiment l'écart à la norme et ce qui a trait vraiment à la faible estime de soi. Alors là, simplement, c'est une étude là aussi récente qui a été publiée cette année où ce sont des auteurs qui sont assez intéressés. Alors, n'ayez pas peur du tableau. Ce sont des auteurs qui sont intéressés entre au lien entre différentes variables, entre l'estime de soi, la perception qu'on a de son propre corps, l'auto-efficacité sociale. L'auto-efficacité sociale, c'est par exemple, est-ce que je suis capable de me faire des amis? Est-ce que je suis capable de me faire des copains, etc. Eh bien, on voit, on l'a marqué en noir, que les deux principaux facteurs qui expliquent le risque de devenir victime de cyberharcèlement, c'est la considération qu'on a de son propre corps. Donc encore une fois, on est chez des adolescents, donc ça se comprend. Et puis le support social. Alors support social, c'est plutôt en français, l'environnement, l'entourage social, affectif, etc. Donc c'est vraiment, ce sont des facteurs, vous voyez, qu'on retrouve aussi bien chez les cyberharceleurs que chez les victimes de cyberharcèlement. Et encore une fois, avec cette idée que c'est l'écart à la norme qui serait vraiment un facteur prépondérant. Alors, c'est un petit peu pour contextualiser le travail. Et puis à présent, je passe la parole à Pauline. Ça marche. Bonjour. Alors du coup, je vais présenter notre étude exploratoire qui voulait répondre à la question à savoir s'il y avait un lien entre l'estime de soi et les victimes de cyberharcèlement. avec comme idée de base que les victimes de cyberharcèlement auraient une mauvaise estime d'eux-mêmes. Donc pour cela, nous avons 141 collégiens qui vont de la 6e à la 3e. Du coup, la tranche d'âge allait de 11 ans à 16 ans, avec le tableau. Ouais, c'est bon. Donc, pour les rencontrer, il y a eu un questionnaire. Enfin, pour répondre à cette question, il y a eu un gros questionnaire qui a été distribué à ces 141 collégiens, qui permettait tout d'abord de mesurer leur estime d'eux-mêmes, du coup, à travers le self-esteem questionnaire de Dubois. Donc, il y avait 24 items qui permettaient de renseigner sur l'estime de soi qu'ils avaient avec leurs proches, que ce soit amis ou famille, leur estime de soi par rapport à la scolarité, par rapport à leur apparence physique, par rapport à leur activité sportive. Il y avait également un questionnaire qui permettait de mesurer la solitude qu'ils pouvaient ressentir, si c'était un bon sentiment vers la solitude ou une aversion vers la solitude, que ce soit une solitude envers les amis ou la famille également. Un petit questionnaire de 8 items pour savoir s'ils étaient bien dans leur école, s'ils s'entendaient bien avec leur père, s'ils s'entendaient bien avec les collégiens, s'ils s'entendaient bien avec les professionnels aussi également et les enseignants. Et enfin, une grosse partie qui permettait de mesurer s'ils avaient été victimes, agresseurs, témoins de harcèlement et de cyberharcèlement, leur connaissance également vis-à-vis des termes sur le harcèlement, harcèlement direct, indirect, cyberharcèlement, que ce soit téléphone ou internet, la perception du cyberharcèlement et les attitudes, émotions et comportements qu'ils avaient envers cet harcèlement. Et les moyens électroniques, internet, téléphone, Facebook, etc. Donc, les principaux résultats, donc, on a 30 personnes qui déclarent avoir été victimes d'un harcèlement direct durant ces deux derniers mois. Parce que le questionnaire, il interrogeait vraiment sur les deux derniers mois. Et harcèlement direct, du coup, c'était tout ce qui était bousculade, brimade en face à face. Du coup, 21 ont été victimes d'un harcèlement indirect. Du coup, ça correspondait à plus qui était rumeur, exclusion d'un groupe, etc. Et 17 sur ces 21 par Internet. Donc, par Internet et du coup... oui, par Internet. C'était les téléphones, c'était intéressant. Donc, sur ces résultats, on peut voir qu'il y a une surreprésentation des filles parmi les victimes, comme on a pu le voir dans la littérature également. 12 sur 17 des filles. Et sur les 21 victimes de harcèlement indirect, 18 également le sont de manière directe. Donc, ça se poursuit en dehors de l'école. Ce sont les mêmes victimes, oui. Donc, sur les victimes de cyberharcèlement qui ont dit par rapport au questionnaire, 30% ont une faible estime générale d'eux-mêmes et se sentent seuls. Donc, ce n'est pas le plus gros lien que nous avons retrouvé, pas d'effet massif retrouvé de l'estime de soi. Mais par contre, et on a retrouvé un lien significatif entre une mauvaise estime de soi et la probabilité d'être cyberharceleur ou témoin. Et 26% des victimes de cyberharcèlement se sentent mal à l'aise avec leur apparence physique d'après les questionnaires qu'on a pu leur faire passer. Et encore, 30% des victimes ont une faible estime d'eux-mêmes de leur capacité intellectuelle et scolaire, du coup. Du coup, vu que le questionnaire est interrogé aussi sur les émotions qu'ils pouvaient ressentaient, que ce soit victime, agresseur ou témoin, donc voilà, beaucoup de colère, beaucoup de stress... Et embarrassé, ouais. Et du coup, on a fait un petit pré-film de tout ce qu'on pouvait voir dans le cyberharcèlement. Du coup, on peut parler du happy slapping, c'est quand un groupe va filmer une bousculade, quelqu'un va taper un autre élève et ça va être filmé, ça va arriver sur Internet. On peut le publier sur le mur Facebook ou autre. Le church king, c'est la... j'ai pas un bon accent anglais du tout, désolé. C'est quand on fait la même chose, mais on dévêtit la victime, quand on en parlait tout à l'heure, justement. On le filme et on le diffuse également. Flaming, c'est vraiment des insultes à répétition qu'on envoie souvent, soit par messagerie instantanée ou beaucoup par SMS également. Ensuite, y a forcément colporter des rumeurs comme le harcèlement indirect qu'on peut le faire à l'école, mais aussi sur Internet à travers des statuts. Et enfin... Enfin, il y en a beaucoup d'autres. Et c'est quand on a des images compromettantes sur une autre personne et puis qu'on fait du chantage en disant « j'ai cette photo, si tu ne veux pas faire ça, je l'envoie exactement ». Mais il y a également encore d'autres façons comme le slut-shaming également, etc. Merci. Donc effectivement, comme l'a présenté Pauline, en fait, les émotions ressenties par les victimes de cyberharcèlement sont différentes parce que vous voyez bien que les situations, les contextes et les modes d'expression du cyberharcèlement ont été différents. Donc en fait, comme je disais en introduction, en fait, quand on pose la question à des adolescents du cyberharcèlement, ils n'interprètent pas notre question de la même façon parce que pour eux, le cyberharcèlement revêt différentes formes. Entre du happy slapping ou du tricky, ça n'a rien à voir. Si, enfin, c'est lié. Mais pour eux, ils l'interprètent de manière différente. Il y a certaines choses qui génèrent plutôt de la colère, d'autres plutôt de l'embarras, plutôt de la honte. Plutôt, voilà. Donc les émotions, bien sûr, dépendent de ça. Alors, en guise de discussion, j'ai mes conclusions, mais c'est plutôt des discussions. Bon. Bref, le harcèlement direct reste très majoritaire et fréquent. Alors, ça a été évoqué tout à l'heure. Effectivement, est-ce qu'on connaît les personnes qui nous harcèlent ? Et très souvent, oui. Donc, il y a quelques années, on nous a vendu Internet en nous disant qu'on allait communiquer avec le monde entier. Et on sait très bien avec qui on envoie le plus de SMS et de mails, c'est avec les gens qu'on côtoie toute la journée. Donc, en fin de compte, les adolescents et les enfants sont pareils. C'est-à-dire que les textos qu'ils s'envoient, c'est « T'es où ? Je suis là. Tu fais quoi ? Rien. Bien. Moi aussi. Lol. Super. » Donc, il y a un contenu informationnel, on va dire, qui est peu... Mais bon, il existe. Voilà. Donc, c'est un manque de créativité. Voilà. Mais ça leur permet de s'assurer qu'ils font toujours partie du réseau social et qu'ils sont bien en contact avec leur réseau social quelque part. Donc, ça, c'est important pour eux. Le cyberharcèlement, vous l'avez vu, ce n'est que l'un des modes d'expression du harcèlement. Parce qu'on s'est rendu compte dans notre petite étude exploratoire que la plupart des victimes de cyberharcèlement sont également victimes de harcèlement direct dans leur établissement. Bousculades, brimades, insultes, etc. Bon. Notamment qui concernent leur apparence physique. Donc, du coup, ce qu'ils vivent sur Internet, c'est juste une extension de ce qu'ils vivent la journée. Bon. Alors, on était un peu surpris de ne pas trouver un effet significatif ou massif de l'estime de soi. Alors, pourquoi surpris ? Parce que dans la plupart de la littérature scientifique, les auteurs nous disent « Si, l'estime de soi, c'est super important, c'est même le facteur qui détermine. Si... » Nous, on ne l'a pas retrouvé là. Je ne dis pas que ça peut venir de biais dans l'étude méthodologique, il n'y a pas de problème. Donc, mais en tout cas, on n'a pas retrouvé cet effet-là. Et dans d'autres études aussi récentes, cette estime de soi n'est pas retrouvée si majoritaire que ça, ou du moins il est confondu. Donc la question du début, c'était est-ce qu'il existe un profil de victime ? Non. Ou du moins, on n'a pas été capable de le mettre en évidence. Vous allez me dire avec une étude, c'était peu jouable, enfin, c'était vraiment... Et on voulait voir si c'était une bonne direction à creuser. Pour l'instant, on ne l'a pas mis en évidence. Et à notre connaissance, aucune étude n'a mis en évidence un profil des victimes. Donc, ce qui, du point de vue psychologique, nous inquiète un petit peu. Ça veut dire que n'importe qui, là aussi, peut potentiellement être victime. Alors, il n'y a pas de résultat significatif, mais quand même des tendances qui nous semblent intéressantes. Par exemple, bon, l'estime de soi n'a pas eu un effet massif, mais quand même, on l'a trouvé chez les victimes, une estime de soi relativement faible. Bon, d'un autre côté, n'est-ce pas le cas pour beaucoup d'adolescentes et adolescents ? Donc, du coup, là aussi, facteur confondu, on a du mal à l'interpréter. Ce qu'on a trouvé intéressant, c'est l'auto-évaluation de ses capacités intellectuelles faibles. C'est-à-dire que là où on pensait que les jeunes se dénigraient sur leur aspect physique, je suis trop gros, je suis trop maigre, j'aime les personnes du même sexe que moi, etc., enfin, avec des différences d'orientation sexuelle ou de physique, ce qui joue beaucoup, c'est la vision qu'ils ont de leur propre performance académique. Donc là, en fait c'est l'image que l'école leur envoie. Et ça, on ne l'avait pas anticipé, mais l'école que l'image leur renvoie est un facteur très important. C'est « je suis qu'un gros nul », voilà, etc. Donc, en termes de performance académique, du coup, parce qu'ils font un lien direct entre les performances académiques et leurs compétences. C'est-à-dire, si je suis... j'ai une mauvaise note en maths, les élèves disent toujours « je suis nul en maths », alors qu'une note, ce n'est qu'une note. Enfin, bon. Et puis, là aussi, ce qui était intéressant, c'est la considération par rapport aux normes physiques de performance. On a trouvé vraiment un impact important de cet écart aux normes. Et là, le problème, c'est que les normes, quand on est adolescente et adolescent, on veut bien sûr se démarquer, on veut être individualisé, etc. Mais on veut aussi être considéré dans les normes, si possible les normes plutôt flatteuses, qu'elles soient physiques ou intellectuelles. Bref, de ce que vante notre société, la beauté physique, la réussite sociale, etc. Bon. En plus, quand je disais les modèles qu'on leur envoie sont des modèles rapides de réussite sociale, footballeurs et chanteuses, pour caricaturer, on voit aussi que ces modèles-là d'expression rapide par des SMS, des choses comme ça, même des dirigeants d'État font ça rapidement. C'est-à-dire qu'il y a l'instantanéité devient quelque chose extrêmement rapide. En termes de discussion de perspective, ce qui nous interroge beaucoup, ben, en fait, on a essayé très modestement de nous centrer sur les harceleurs et les victimes. Mais en fin de compte, on a découvert que les adolescentes et adolescents aussi pouvaient jouer d'autres rôles, moins directs. Alors moins directs, mais impliqués tout de même. Par exemple, être témoin, être suiveur ou être contributeur. Alors souvent, ils n'ont pas l'impression. Ils disent, mais non, mais je n'ai pas intervenu. Non, je n'ai pas harcelé, mais j'ai juste forwardé quelque chose. Ou je suis témoin. Témoin. Et du coup, tout cet entourage-là fait l'objet de très peu d'études. Donc vraiment, on serait intéressé pour justement continuer les travaux sur ces personnes qui sont autour, qui ne sont pas des harceleurs ou qui ne sont pas victimes, mais qui sont tout de même dans la situation. Là aussi, on serait plutôt à militer, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation à la fin, si on n'est pas tout à fait sûr, à militer vers une approche plutôt différentielle ou différentialiste. On essaye nous, de faire des modèles. De faire des modèles de description, des modèles prédictifs. Le problème des modèles prédictifs, c'est qu'ils marchent pour le grand nombre, du moins pour des moyennes, mais aucun adolescent, aucune adolescente, enfin, le prototype même n'existe pas. Chacun est individuel et très différent. Donc, du coup, c'est comment réintroduire les facteurs individuels au sein des modélisations générales pour mieux comprendre le mécanisme, la dynamique du harcèlement. Il existe néanmoins des modèles qui permettent de décrire ou de prédire la perpétuation du harcèlement. À notre connaissance, il n'existe toujours pas de modèle pour décrire ou prédire la victimisation du harcèlement. C'est-à-dire pour un petit peu nous expliquer ce qui se passe, comment on pourrait jouer. Et puis, là encore, nous manquons cruellement d'études sur les impacts directement imputables au harcèlement, au cyberharcèlement. Alors, pourquoi je dis ça? Alors, je termine sur ce point-là, et ça peut faire l'objet de débat, et je comprendrai que ça fasse l'objet de débat. Le harcèlement est souvent lié aussi à d'autres événements dramatiques qui peuvent concerner les familles, les établissements scolaires, des choses tragiques, suicides, tentatives de suicide. Donc c'est vraiment tragique. Donc, quand c'est tragique, ça nous touche du point de vue affectif, émotionnel, ce qui est tout à fait normal. Du point de vue scientifique, il ne s'agit pas d'être froid absolument, mais il faut essayer de dépassionner certains débats pour pouvoir l'étudier scientifiquement. C'est difficile quand vous allez vous adresser à des parents ou des chefs d'établissement, des enseignants, des parents, des personnes qui ont fait une tentative de suicide ou qui se sont suicidées à la suite d'épisodes de cyberharcèlement, c'est délicat de leur dire peut-être que le fait n'est pas directement imputable. C'est quelque chose qui est difficilement entendable par une victime ou l'environnement de la victime. Donc du coup, en tout cas, il faut essayer de dépassionner ces choses-là. Alors pourquoi c'est compliqué? Ça a été évoqué tout à l'heure, c'est le rôle des médias sur le rôle amplification et atténuation. Ça a été évoqué tout à l'heure, la plupart des gens qui nous harcèlent, on les connaît et ils sont dans notre entourage proche. Ah, oh, c'est un lapsus. Non, ne voyez pas lapsus là. Je faisais la remarque à notre collègue que dans le cas des meurtres, des assassinats, 95% des meurtres sont commis par un proche de la victime. Souvent, on a peur. Vous savez, les parents ont toujours peur quand ils lancent leur enfant en proximité de l'établissement. Ils ont toujours peur de la personne, l'agresseur sexuel étranger qui rôde autour de l'établissement scolaire. Les agressions sexuelles et les crimes sont généralement commis par des membres de la famille. Donc, c'est plutôt de notre famille qu'il faut se méfier. Et donc, l'impact sur les familles et les structures, là aussi, c'est relativement méconnu. Donc là, on manque encore une fois de recul, on manque de données. Mais là, les travaux sont en cours. Écoutez, nous vous remercions pour votre attention.